Genève est à 205 kilomètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 110 km heure, réponse C. 130 km heure, réponse D.